Faire la vie qu'on mène pour ça. Faire les grèves poèmes pour ça. Faire les trêves je t'aime pour ça. Ça ne vaut pas la peine, je crois. Prendre un air de grand pour ça. Bien plus suffisant que ça. Jouer la mitaine pour ça. Ça ne vaut pas la peine, je crois. Se faire passer pour l'or du monde. Se faire passer pour fort, ça compte. Croire qu'on a le port d'un compte. Mais ça casse un ressort. Croire qu'on est riche par millions. Hélas, ça triche une chanson. Faut pas se montrer chiche au fond. Là sur l'affiche, c'est mon nom. Car je chante les amours. Je m'en vante sans détour. Dire qu'on est bohème pour ça. Que ça cause des problèmes pour ça. J'écoute un poème de quoi. C'est sûrement que j'aime tout ça. J'ai fait le roman de ma vie. J'ai fait le serment que j'en prie. Mais mon boniment s'ennuie. Voilà mon présent. Écoutez ma chanson, Bessie. Elle parle de prison, bon Dieu. De rimes et passions, c'est mieux. Comprenez-vous? Non, tant mieux.